bon de partir n'importe où, bras dessous, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien de tout, mais qui en disent long, en voyant notre mineur envieux. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprame belle qui donnait la frisson. C'est si bon, sa petite sensation, ça vaut mieux qu'au million. C'est tellement, tellement bon. Oh, c'est bon, voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessous, bras dessous, en chantant des chansons, quel esprit merveilleux. Oh, c'est bon, je cherche un millionnaire avec un grand Mercedes-Benz. Minkos, des bijoux. Ah voilà. Oh, c'est bon. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, hein. Et s'il parle français, espagnol, italien, allemand, swahili, peut-être quelque chose comme hebrew. Ça m'est égal as long as il y a beaucoup de loot, voilà. Oh, c'est bon. Il sera très crazy, non? You get what I mean, don't you? Voilà, c'était...